Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Je ne sais pas si vous savez, mais arriver 13e à l'Eurovision pour la France, ça n'est pas un mauvais score. 12e en 2017, 25e en 2015, la France accumule les contre-performances. Cette année, et c'était avec ce groupe-là. Je suis ce matin, je m'appelle Merci. Au milieu de la mer, entre deux pays. Merci. C'était un long chemin et maman l'a pris. Elle m'avait dans la peau 8 mois et demi. Oh oui, 8 mois et demi. On a quitté la maison, c'était la guerre. Sûr qu'elle avait raison, y avait rien à perdre. Oh non, excepté la vie. Je... Donc ça, c'était le groupe Madame Monsieur qui s'est fait latter. Hein, 13e place, quand même pas terrible. Rebecca Manzoni. Bonjour Guillaume. Bonjour Rebecca. Tu es productrice de Pop & Co et de Tube & Co sur la matinale de France Inter. Et je t'ai demandé de venir pour entendre avec nous ce tube et nous expliquer pourquoi il a obtenu une place médiocre. Ça n'est pas... place absolument horrible, mais c'est quand même la 13e place. Je crois que toi, tu as bien aimé. Je trouve ça pas si mal. Voilà, de toute façon, de mon point de vue, la qualité artistique des chansons interprétées au concours de l'Eurovision, c'est pas vraiment l'enjeu, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est de toute façon très très consensuel. En tout cas, dans la musique, ce qu'on entend là, Madame Monsieur, c'est vraiment de la pop passe-partout. Ce qu'a fait Amir avec J'ai cherché, c'est pareil. Il y a quand même des moments. Amir, c'était en 2016. Il représentait ouais, c'est la ça. France. Ouais. Et ça fait un tube en France d'ailleurs. J'ai cherché. Et il a été 6e à l'Eurovision. J'ai le classement sous les yeux. Pour hein, la France, je les connais pas par cœur. Ouais, je... T'as tes fiches. 6e, ce qui pour la France, oui, est super bien. Mais alors, tu dis que il y a donc une dimension différente dans l'Eurovision, dimension politique quand même, parce que Madame Monsieur était une chanson qui parlait des migrants, et on a expliqué que cette 13e place, elle venait du fait que les migrants n'est pas un sujet consensuel. Oui, c'est pour ça. Enfin, musicalement, c'est souvent quand même très consensuel avec une bande-son passe-partout. En dehors donc de l'ordi des Finlandais qui faisait du hard rock, le titre s'intitulait Hard Rock Alléluia en 2006, mais sinon c'est assez insipide quoi. Et l'enjeu est vraiment, je trouve, beaucoup plus dans le texte. Donc là, Merci raconte la naissance d'une petite fille qui porte ce prénom de Merci à bord du bateau humanitaire SOS Méditerranée après que sa mère a été sauvée après avoir fui le Nigeria. Enfin, la presse d'ailleurs s'est beaucoup emparée de ce storytelling pour parler de la chanson. Donc oui, c'est politique, mais même la chanson lauréate est politique, puisque Toy, par Netta Barzilai, la lauréate israélienne, ça s'inscrit dans la lignée du mouvement MeToo. Le refrain, c'est « Je ne suis pas ton jouet, espèce d'idiot ». I'm not your toy, ça c'est dit, Stupid Rebecca. Boy, dit-elle. Ça a permis à Netanyahou de faire la danse de la poule. Ouais. Ça permet chaque année de s'interroger sur les raisons pour lesquelles Israël est dans l'Eurovision, ce qui est quand même une étrangeté. Pour le reste, je peux te suivre quand tu dis que la qualité musicale n'est pas en jeu dans l'Eurovision, mais bon, c'est quand même une chanson un peu difficile à écouter, non ? Je trouve pas, c'est-à-dire que voilà, c'est du R&B passe-partout là aussi, c'est plutôt bien interprété, je trouve. C'est une défense de la singularité aussi cette chanson. Donc en ça c'est plutôt intéressant, je trouve. Il y a donc des choses. Après, il y a eu une récupération politique, effectivement, de la part de Netanyahou, déclarant que cette jeune femme était son meilleur ambassadeur. Elle va chanter à l'occasion des 70 ans d'Israël. Enfin voilà, il y a aussi une récupération politique de ça. Disons qu'il a besoin d'ambassadeurs, mais pour d'autres raisons, Il a d'autres sujets actuellement sur le feu. Il y a en tout cas des choses qui sont beaucoup plus imprévisibles. Et tu es venu notamment avec l'ordi sous le bras, qui fait partie donc de ces victoires plus étonnantes à l'Eurovision. Et d'ailleurs, Alexandre Fougeron, qui adore l'ordi, va nous le faire entendre. Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. The saints are crippled on this sinner's night. Lost are the lambs with no guiding light. Lost come the red thunder, the rock's about to roll. It's the apocalypse, now we're your soul. All we need is lightning with power and might, striking down the prophets of fools. And as the moon is rising, gave us the sign. Now let us rise up in the world. Rock and roll angels, bring that hard rock, hallelujah. Alors, l'ordi a représenté la Finlande pour l'Eurovision, c'était en 2006, et ce groupe a remporté donc le trophée avec 292 points, ce qui est extrêmement beaucoup, comme on dit, Rebecca. C'est extrêmement beaucoup, mais voilà, là, évidemment, vous l'entendez, hein, la musique, elle est quand même assez singulière, enfin, elle détonne par rapport aux autres lauréats, je dirais, et... Ça raconte aussi le fait que le succès est totalement imprévisible, mais ce que ça raconte, c'est que les pays, certains pays sont solidaires entre eux. Les pays d'Europe du Nord votent pour les pays d'Europe du Nord, les pays de l'Est votent pour les pays de l'Est. Tout ça, on vote entre copains, ce qui veut dire, pour ce qui nous concerne, que nous, on n'a pas de copains, vu qu'on n'a pas gagné l'Eurovision depuis 1977. En 77, au moins, on avait des copains. On avait quelques copains, mais depuis c'est la loose. Et depuis, on est très seul. Malgré tout. Toi qui écoutes des tubes et les dissèques pour Tube & Co, est-ce que tu ne vois pas un certain nombre de régularités, j'allais dire observables, mais en tout cas écoutables dans ces différents tubes? Le fait donc d'utiliser, donc ça c'est du hard rock, mais c'est quand même du hard rock assez pasteurisé, assez standardisé? Oui, on est d'accord. Donc quand même assez consensuel, avec, disons, une capacité pour cette musique d'être entendue par différents types de publics. Bah là, c'est quand même le hard rock. C'est en France, il y a un festival qui s'appelle le Hellfest qui a une audience démesurée. Mais le hard rock, c'est pas non plus une musique de niche, parce que le public est quand même plus large que ça. Mais c'est pas la musique la plus consensuelle et qui existe quand même. Et là, il est sûr qu'elle avait une audience plus large par le biais de l'Eurovision, qui, je crois, est encore un spectacle suivi par des millions d'Européens. Mais parce que depuis un certain nombre d'années, justement, en France, alors il y a des exceptions, mais on prenait des musiques qui étaient extrêmement consensuelles. Alors certains diraient pauvres en goût, mais en tout cas, on prenait vraiment de la variété, quoi. Oui, c'est de la variété, mais ce qui est intéressant dans l'histoire de l'Eurovision, c'est que... au fond, la singularité de chacune des nations représentées s'est de plus en plus effacée, ne serait-ce que par la langue. Depuis 1974, avec la victoire de ABBA, où là, il y avait un intérêt musical. Non, mais ABBA, ça a été, c'est une grosse balise dans la pop mondiale, quand même. Je te suis. Donc, c'était Waterloo. C'est pendant l'Eurovision que Waterloo a été chanté pour la première fois, ce qui est devenu un tube quand même assez ahurissant. Et c'est surtout dans l'histoire de l'Eurovision la première fois que les lauréats ne chantaient pas dans leur langue. En l'espèce, le suédois, pour ABBA. Ils chantaient donc en anglais. Thank you. À partir de là, les singularités linguistiques se sont effacées petit à petit jusqu'à ce qu'en 1999 soit levée pour chacun des pays l'obligation de chanter dans sa langue. Parce qu'à partir du moment où ABBA a gagné, on s'est dit tiens, quand même, chanter en anglais, c'est peut-être la promesse un petit peu plus assurée d'une victoire, puisque les paroles seront comprises par tous. Et aussi musicalement, on n'est plus... moi, j'ai souvenir quand même de spectacles de l'Eurovision avec la petite carte postale, tu sais, qui se précède là, où on est alors la Suède, bienvenue, ou l'Azerbaïdjan, avec la présentation du folklore local, avec tout ce qu'il y a de plus cliché. Mais dans la musique aussi, ça s'est beaucoup homogénéisé, je dirais. Mais ça raconte la production musicale actuelle, et ça raconte aussi notre façon d'écouter de la musique. Par le biais des plateformes d'écoute, les chapelles musicales n'existent plus. On peut, par le biais de la playlist, écouter aussi bien justement Alain Bachung que ABBA, quoi. On passe de l'un à l'autre, pour certains sans complexe, en tout cas pour moi, et puis avec une facilité, c'est le principe même de la playlist qui fait qu'on passe de l'un à l'autre très facilement, avec beaucoup d'aisance. Mais alors, puisque tu as parlé de la langue, je vais être obligé de te faire entendre Sébastien Tellier. Je ne pense pas d'ailleurs que ça représente une souffrance particulière pour toi. Non, et il chantait notamment en anglais, c'était en 2008, et ça a été un assez beau superfell, puisqu'il a été 19e. Bon alors, Sébastien Tellier, Rebecca Manzoni est là. Et bon, les paroles sont en anglais. Elles sont d'ailleurs difficiles à traduire tant elles sont denses. Il faut véritablement Milky Way, donc c'est barres chocolatées ou quelque chose comme ça. Mais pour le reste, on a affaire à un artiste confirmé qui n'a pas empêché de trébucher de manière considérable à l'Eurovision. Ce qui est intéressant avec Tellier, c'est que c'est quand même une figure de la pop branchée. Or, l'Eurovision est plutôt associée à une manifestation ringarde. Et ce que je trouve intéressant, c'est que ça raconte vraiment aussi la façon dont l'Eurovision est perçue. C'est-à-dire que la ringardise est devenue une espèce de nouvelle esthétique du cool. On constate ça notamment avec Céline Dion. En fait, j'ai du mal à parler parce que si vous pouvez couper Tellier derrière moi, parce que j'arrive pas à parler en même temps. Quand il y a du Tellier derrière, elle n'arrive pas. Allez, cut. Elle arrive bien avec voilà. Toy, mais pas avec Tellier. Non, ça me perturbe, ouais. je vous jure. Ce que je voulais dire, oui, c'est que l'Eurovision est devenue participe d'une nouvelle esthétique du cool. Et c'est le cas avec Céline Dion, qui a été l'une des candidates de l'Eurovision, vraiment incarnation du prototype de la diva pop, parce que l'un des stéréotypes des chanteurs et chanteuses de l'Eurovision, c'est une espèce de performance vocale comme ça. Mais Céline Dion, elle a été très longtemps considérée comme ringarde, et aujourd'hui elle est branchée, un peu comme l'Eurovision. Elle est branchée parce qu'elle est consacrée dans un film de Xavier Dolan. C'est la culture branchée s'est réappropriée ce qu'on considérait avant comme ringard, et la ringardise est devenue le signe d'une nouvelle ouverture d'esprit et une nouvelle esthétique du cool. Mais c'est le mouvement inverse de Tellier, parce que Tellier, c'est quelqu'un donc de branché qui va dans un endroit perçu comme ringard. Ouais. Céline Dion, c'est l'inverse. Exactement. Exactement. Mais ça raconte quand même la même chose, que ce qui est considéré comme ringard est devenu super cool. Et puis, on va terminer par... Alors là, je crois que c'est le plus beau plantage de la France à l'Eurovision. C'est le Superflail final, puisqu'ils ont obtenu 2 points. C'est Moustache. C'est le titre, c'est Moustache et le groupe, c'est Twin Twin. Absolument. Ouais. Et alors, donc 2 points, c'est pas beaucoup, sachant que, par exemple, l'ordi qu'on a entendu tout à l'heure, on a obtenu 292. Et vous allez pouvoir tous constater... Mais 2 points, ça veut dire qu'on était dernier, quand même. Ouais. Bah oui, ça veut dire que c'est pas beaucoup. Hein, mais je crois qu'il y a une autre chanson française qui n'avait obtenu qu'un point, qui s'intitulait Chez nous. Malheureusement, voilà. On a. Là, on est super, super, super, super fail. Malheureusement, on a que Twin Twin. On va l'écouter. Hey, hurry up! Are you ready to party tonight? When I say Twin Twin, you say oh yeah! Twin Twin! Everybody stand up! Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux, je m'en fous. J'habite au dernier étage, je connais même pas ma femme de ménage. Y'a du cuir dans ma voiture, l'odeur de mon parfum me rassure. Je n'aime pas montrer mes émotions à la salle de musculation. Je soulève quelques poids et haltères. Mon corps est une machine de guerre. J'ai tout ce qu'on rêverait d'avoir. J'ai peut-être tout, c'est vrai, mais moi, je voulais. Une moustache, I wanna have a moustache, a moustache. Alors ça c'est le super super super fail, hein. Twin Twin, bon, moustache, puisqu'on est arrivé dernier. On peut pas considérer que ce soit sur le plan artistique une réussite non plus. Je oui, sais bien que tu pas dis pas qu'il y a pire ça a pas que, qu'autre chose. Enfin, mais pire là... qu'autre chose, je ne sais pas. Non mais là. Ce que ça raconte, parce que quand même, la bande-son de l'Eurovision, elle raconte une époque à travers, évidemment, les textes des chansons, qu'il s'agisse de Madame Monsieur qui évoque les migrants, qu'il s'agisse de La Lauréate de cette année, qui est une chanson féministe. Là, c'est pas du tout une chanson politique, Moustache. Mais en revanche, ils sont les perdants de 2014. Et ce qu'on entend là, c'est vraiment la musique à la mode de l'époque, parce que on pourrait très bien confondre ça avec Stromae, qui a sorti son album Racine Carrée, qui a été un carton incroyable, l'été précédent. Donc, à chaque fois, la bande-son de l'Eurovision raconte un moment de la pop mondiale. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Merci beaucoup, Rebecca Menzoni. Je rappelle que tu es productrice de Pop & Co et de Tube & Co sur la matinale de France Inter. Superfell a été dévasté aujourd'hui par Marine Beccarelli, foiré par Jean-Frédéric à la technique et dévasté par Alex Fougeron à la réalisation. Superfell.